Fuck, je pense à fermer la porte avant de partir, débarrasser le palier, la poubelle risque de sentir. Mets du coco et pêche au mon paquet de clopes, une bonne garo, un petit café pendant la grosse, c'est le top, 16h30. Après le tap, c'est l'heure de ma princesse, direction la crèche, du son chapitre dans ma Benz. Je vois son sourire, porté comme un diadème, je décompresse, j'oublie tout dès que je pense à quel point je l'aime. Direction la demeure pour 2 heures de détente, après faut que je pense. Comme d'hab, j'attends 18h15, donc je suis ricrac. Plus on bras ma fille dans l'autre, prêt à quitter la baraque. Faut que je pense à fermer la porte avant de partir. Putain, j'ai oublié le portable, à chaque fois c'est le même délire. Bref, enfin je pars, comme d'hab, j'arrive en retard. Ma femme patiente, souriante, connaît mon rythme de blédard. Faut que je pense à donner du sens entre ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense. Faut que je pense à donner mes sens, car tout ce que je dis reste à faire. Hey, ouais, yeah, merde, presque minuit, tiens, faut que je pense à gratter un peu. Les plans suspens deviennent les projets sur le feu. Faut que je pense à balancer album avec au son single. Les MC qui font dans la branlette vont faire la gueule. Faut que je pense à mettre du style, du swing, du flow, du bad feeling, du speed, du slow. Du sens, du thème, du free, de l'impro, rime de king, contenu acide, original à flow. Faut que je pense aussi aux prod et à mes filles du groupe Lazo. Pas moi, j'ai déjà ma petite équipe à la king de ma banner, Vinci, Neka, DES, Camus, Candyken, CEDA. Ça s'arrête pas là, la liste est longue, mais bon, c'est pas un double. Juste qu'il faut pour tête ceux qui ne valent même pas un roux. Bon, faut passer à l'action, cesser de converger sur la vie de ma mère. Attends, la suite, j'ai du fat projet. Faut que je pense à donner du sens entre ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense. Faut que je pense à donner mes sens, car tout ce que je dis reste à faire quand j'y pense. Pam pam pam pam pam pam pam.